Le marchand de Venise. Dans la belle ville de Venise, vivait un riche marchand du nom d'Antonio. Hé, Antonio! Bassanio, ça fait si longtemps. Comment se passent les préparatifs du mariage? Shylock, monsieur, je vous paye mes dettes demain. Je vous le promets. Un marché est un marché, et une promesse est une promesse. Tu as promis de me donner l'argent aujourd'hui. Et si tu ne pouvais pas payer, tu as promis de me donner ton magasin. Tu ne m'as pas donné d'argent, donc ton magasin est à moi. Mon emprunt est seulement de 50 ducats. Mon magasin vaut bien plus que ça. Tu aurais dû y penser avant de mettre en jeu ton magasin avec moi. Maintenant, pousse-toi. Shylock, attends. Voici les 50 ducats que Mercagno te doit. Non, pourquoi devrais-je prendre cet argent? Mercagno était censé me rembourser aujourd'hui. Et la journée n'est pas finie, Shylock. Il reste encore quelques heures avant le coucher du soleil. Donc voici l'argent. Laisse tomber le magasin. Autrement, je vais porter plainte contre toi au tribunal. Antonio! Merci beaucoup, Antonio. Je te rembourserai pour sûr demain, je te le promets. Je te crois, Mercagno. Antonio, tu es si bon. Ce démon de Shylock doit te détester. Oublie-le. Dis-moi plutôt, comment se passent les préparatifs du mariage? D'accord. Ça se passe bien, merci. Il y a un problème, Bassanio? Non, tout va bien. Toi et moi, on est amis. Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? J'attendais de l'argent cette semaine, mais il ne rentrera pas avant au moins 5 mois. Et j'ai déjà fait des achats pour lesquels je dois bientôt faire des paiements. Combien? 3 000 ducats. C'est beaucoup d'argent. Je sais, j'avais acheté une bague pour Portia. Et on voulait organiser un festin pour 500 pauvres gens et leur offrir des cadeaux pour notre mariage. Mais maintenant, je ne sais plus quoi faire. C'est un geste noble de ta part. Je t'aurais bien prêté les 3 000 ducats. Mais même moi, je n'ai pas tant d'argent en ce moment. Mais mes bateaux reviennent dans 3 mois. Et je vais toucher de l'argent à ce moment-là. Ce sera déjà trop tard. Le mariage, c'est la semaine prochaine. J'ai peut-être une idée. Viens avec moi. Oh, cet Antonio! S'il n'était pas intervenu, j'aurais obtenu pour 50 ducats un magasin d'une valeur de 500. Toujours fourré dans mes affaires, celui-là. Tu le paieras, Antonio. Un jour, tu le paieras. Shylock? Non, Antonio. Je ne te laisserai pas prendre l'argent de Shylock. Tu sais quel tricheur est ce type. C'est juste l'affaire de 3 mois, Bassanio. Une fois que mes navires seront de retour, je pourrai repayer les 3 000 ducats facilement. Shylock? Antonio? J'ai besoin d'argent. Toi? Toi qui fais don de ton argent pour venir ruiner mon business? Toi, tu as besoin d'argent? Tu es injuste, Shylock, et tu le sais très bien. J'ai besoin de 3 000 ducats. 3 000 ducats? C'est ma chance de ruiner Antonio et de le faire payer pour toutes les fois où il a ruiné tous mes plans. Bien, je vais te prêter l'argent sans intérêt. Mais si tu ne peux pas me rembourser la somme totale dans les 3 mois, tout ce que tu possèdes m'appartiendra. Marché conclu? D'accord? Mais c'est de l'arnaque, Shylock! Antonio, on s'en va! Ne t'inquiète pas, Bassanio. Mes navires seront de retour dans 3 mois. Ils ont déjà quitté l'Afrique. Nous n'avons pas à nous inquiéter. C'est maintenant que tu as besoin de l'argent, mon ami. C'est bon, j'accepte. Bassanio était inquiet pour Antonio. Il savait qu'on ne pouvait pas faire confiance à Shylock, mais Antonio était sûr de lui. Shylock lui donna les 3000 ducats et Bassanio put aller de l'avant avec ses projets de mariage. Bassanio se mariait à une belle, sage et intelligente jeune fille du nom de Portia. Il offrit à Portia la jolie bague qu'il voulait qu'elle porte. Et ensemble, Portia et Bassanio partagèrent leur fortune avec les pauvres. Ils organisèrent un festin pour eux et leur offrirent des cadeaux par charité. Merci, Antonio. Rien de tout ceci n'aurait été possible sans toi. Voyons, Bassanio. Comment ne pas vous aider quand on voit cette noble célébration de mariage? Non, vraiment, Portia, Antonio a risqué tout ce qu'il possède avec ce démon de Shylock juste pour nous avoir 3000 ducats pour le mariage. Quoi? Et tu l'as laissé faire, Bassanio? Ne vous inquiétez pas, tous les deux. Une fois mes navires revenus, j'aurai plein d'argent. Des mois passèrent. Bassanio et Portia étaient très heureux ensemble. Et Antonio faisait comme partie de la famille. Bientôt, il fut temps pour Antonio de rembourser son argent à Shylock. Maître, un message du tribunal pour vous. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, Shylock me demande de me présenter au tribunal demain pour être jugé parce que je n'ai pas rendu son argent. La date est déjà arrivée? Je suis sûr que nous avons 10 jours de plus avant d'avoir à rendre l'argent prêté. Pardonnez-moi, maître, mais puis-je dire quelque chose? Bien sûr, Rebus. Qu'y a-t-il? Monsieur, Lord Shylock est connu pour souvent changer les dates dans ses contrats. Ici, il a pu changer la date du 18 en 8. Quoi? Attendez! Vous ne pouvez pas l'arrêter comme ça. Il doit se présenter au tribunal demain. Et Lord Shylock Thunder veut qu'on l'arrête pour éviter qu'il ne s'enfuit. Antonio! Oh! Que s'est-il passé? Il y a eu un orage en mer. Les navires d'Antonio! Oui, les bateaux. Mais Shylock n'attendra pas un jour de plus. Et maintenant ce message, mon ami est foutu. Non, je ne le laisserai pas faire de mal à Antonio. Va le voir, Bassanio, et ne lui parle pas de l'orage. Ne dis rien du tout. Il est temps de donner une leçon à ce Shylock. Je vais aller au tribunal moi aussi, en tant qu'avocate d'Antonio. Toi? Comment? Reste juste aux côtés de ton ami et ne lui dis rien du tout. Mais ne t'inquiète pas, je ne laisserai rien de mal lui arriver, d'accord? Ah, je te fais confiance. Le lendemain, on accompagna Antonio au tribunal devant le magistrat. Gentlemen, qu'avons-nous ici? Lord Shylock Sanders versus Antonio Basilus? Que le procès commence. Eh bien, l'affaire est assez simple, votre honneur. Antonio me doit 3000 ducats. À l'époque, quand je lui ai prêté l'argent, il m'a promis que s'il ne me rendait pas l'argent aujourd'hui, tout ce qui lui appartenait serait désormais à moi. Mais il a triché sur la date du contrat, sœur. Silence, Monsieur Sanders, voulez-vous bien me montrer le contrat? Le voici, votre honneur. Par contre, Monsieur Sanders, les biens de Monsieur Antonio valent beaucoup plus que les 3000 ducats qu'il vous doit. Pourquoi ne pas prendre juste de quoi couvrir cette somme? Désolé, sœur. Antonio a lui-même signé ce contrat. Un marché est un marché. Une promesse est une promesse. Monsieur Antonio, comment avez-vous pu signer un contrat aussi insensé? Monsieur Sanders, reconsidérez les choses. Ce n'est pas humain. Ceci, votre honneur, est parfaitement légal. Et tout ce que je demande, c'est qu'Antonio honore un contrat qu'il a signé légalement et qu'il tienne parole. Monsieur Shylock Thunders a raison, votre honneur. Monsieur Antonio doit honorer le contrat qu'il a signé. C'est la loi. Monsieur Thunders, selon le contrat, si Monsieur Antonio ne paye pas le montant dû aujourd'hui, tout ce qui lui appartient sera à vous. Est-ce correct? C'est exact. Et vous ne souhaitez pas revoir les choses, monsieur? Pas du tout. Un marché est un marché, et une promesse est une promesse. Votre honneur, dans ce cas, tous les biens de monsieur Antonio qui ont été perdus en mer appartiennent à monsieur Tenders et sont désormais de sa responsabilité. Perdus en mer? Oui, voyez par vous-même. C'est arrivé hier soir. Il y a eu un énorme orage sur les côtes de la mer Méditerranée, par là où ces navires devaient arriver. Vous allez devoir supporter ces pertes, qui vont s'élever à environ 20 000 ducats. Vous devrez payer tout ça. Bien sûr que non, jamais. Quand vous dites que vous posséderez tout ce qui appartient à monsieur Antonio, selon la loi, cela veut dire tous les profits, tous les biens et toutes les pertes qui appartiennent à monsieur Antonio. C'est de l'arnaque, votre honneur. Un marché est un marché. Une promesse est une promesse. L'avocat a raison. Vous allez devoir prendre à votre charge toutes les pertes de monsieur Antonio. Je veux bien lui offrir les 3000 ducats. Je ne veux plus de mon argent ni de mon contrat. Assez, monsieur Sanders. Votre comportement prouve que vous avez délibérément voulu profiter d'un contrat que vous saviez inéquitable. Cela remet en question votre honnêteté et votre intégrité. De ce fait, ce tribunal vous interdit de signer de nouveaux contrats avant que toutes vos affaires soient minutieusement étudiées. Officier, emmenez-le. Tous mes navires sont perdus en mer. Il y a eu un orage en mer. Rentre avec moi à la maison, Antonio. Tu dois te reposer. Antonio était si triste d'entendre que ses bateaux étaient perdus en mer. Bassanio le ramena à la maison. J'ai perdu tous mes bateaux. Oui, j'en ai bien peur. Pourquoi ris-tu? Donne-moi une minute, Antonio. Bassanio, qui était l'avocat qui est venu me défendre au tribunal? Tu veux la rencontrer? Eh bien, la voici. Portia, c'était toi. Oui, et désolée pour ce que tu as perdu. Qu'est-ce qu'il y a, vous deux? Pourquoi vous riez comme ça? J'ai perdu tous mes bateaux. Non, tu n'as rien perdu du tout, rien du tout. Un terrible orage a frappé les côtes de la mer Méditerranée à exactement 15 heures. C'est seulement la moitié du message, l'autre moitié est là. Mais ne vous inquiétez pas, monsieur Antonio. Nous sommes sortis de cette zone à 10 heures, bien avant que l'orage n'arrive. Tous vos navires et vos marchandises sont intacts. Vos bateaux arriveront à Venise le 20 de ce mois. Mais... On a seulement montré la moitié du message à Shylock. Le magistrat aussi voulait donner une leçon à Shylock. Du coup, il n'a rien dit quand j'ai montré à Shylock seulement la page 1 du message. En tout cas, crois-moi, plus jamais Shylock n'osera dire qu'un marché est un marché, une promesse est une promesse. Portia, mon ami Bassanio est un homme vraiment, vraiment chanceux d'avoir épousé une femme comme toi, si sage, intelligente, courageuse et droite. Merci.